Today, 21st of February, year 2015, we are practicing Vipassana meditation. Now, going to 10 days already. The yogi start from the beginning of the retreat. Now, practicing, going to 10 days, training our mind with the object to understand the reality of our life, this mind and this body, how is the walking together, every movement, seeing, watching, observing, try to understand. Nous sommes aujourd'hui le 21 février 2015. Nous nous entraînons à Vipassana depuis 10 jours déjà. Nous essayons d'être toujours attentifs à ce qui se passe en nous, d'être toujours attentifs aux différents objets qui se manifestent et de développer ainsi notre esprit. Nous essayons de comprendre la réalité de la vie. Nous essayons de comprendre l'interaction entre le corps et l'esprit. Nous notons, observons et essayons de comprendre sans interruption. Nous essayons de réaliser que les phénomènes n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Vipassana, c'est être attentif à tout ce que l'on expérimente à chaque instant. Et on devra faire cela non seulement en posture assise, mais également en marche et dans les activités quotidiennes. Depuis le matin tôt, lorsqu'on se réveillera jusqu'au soir, il faudra s'efforcer d'être attentif. Dès le réveil, le matin, nous devons observer les yeux qui s'ouvrent. Tous les mouvements, les moindres activités qu'on est occupé à faire, il faudra en prendre conscience. Et il faudra le faire tout au long de la journée. Attraper l'objet, noter, observer et comprendre. La compréhension dépend de l'attention et de la concentration. Si l'esprit est bien concentré, qu'il est attentif, la compréhension va se manifester. Mais si l'esprit est agité, qu'il pense beaucoup, ce sera difficile de réussir à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il est donc très important de développer ces deux facteurs, attention et concentration. Et pour y arriver, il faudra fournir un gros effort. Il faudra faire un effort sans interruption, constamment, tout au long de la journée. Certains yogis ont déjà bien progressé. Hier, je vous ai parlé d'une question qui avait été posée au Bouddha, et qui concernait le temps qu'on allait devoir consacrer à la pratique pour atteindre la libération. Le Bouddha avait répondu qu'il faudra introduire en soi 5 qualités. La première, c'est sadda, la foi ou confiance. La deuxième, c'est la santé. Il ne faut pas être malade, sans quoi il sera difficile de progresser. La troisième, c'est l'honnêteté, la sincérité, l'obéissance. La quatrième, c'est l'effort héroïque. La cinquième, c'est la sagesse. Nous allons voir maintenant ces 5 facteurs, l'un après l'autre, et voir dans quelle mesure nous devrons les développer pour que la méditation puisse progresser. La première qualité, c'est donc sadda, la confiance. Cette qualité est très importante, c'est la plus importante. Il faudra que nous ayons confiance dans le Bouddha, dans le Dhamma, dans la Sangha et en nous-mêmes. Il faut toujours avoir confiance, quelle que soit l'activité dans laquelle on s'engage. Si on n'a pas confiance au départ, il ne sera pas possible de progresser. Ici, vous êtes venu, sachant que vous alliez devoir souffrir beaucoup. Ce n'est pas comme à la maison où vous avez tout le confort que vous voulez. Vous devez vous lever à 4 heures du matin et vous n'êtes pas autorisé à faire ce que vous voulez. Vous devez manger aussi les plats qui vous sont proposés. Il faudra donc, au cours de la retraite, que vous fassiez preuve de patience. Pourquoi faites-vous tout cet effort, ces efforts? Pourquoi avez-vous renoncé au confort que vous connaissez chez vous? Tout simplement parce que vous avez confiance dans cette pratique. Vous comprenez que si vous êtes venu ici, ce n'est pas pour souffrir. Vous acceptez la souffrance qu'implique la pratique parce que vous avez confiance dans cette pratique. Ceux qui auront une forte sadha, une forte confiance, vont pratiquer non-stop. Dans les commentaires, on mentionne quatre sortes de sadha. La première, c'est Pasahasadha. La deuxième, c'est Okapanasadha. La troisième, c'est Adigamasadha. Et la quatrième, c'est Agamanasadha. Donc, voyons la première sorte de sadha, Pasadasadha. C'est la foi, la confiance, qui va nous permettre de faire tout ce que l'on veut et facilement. Si nous n'avons pas cette Pasadasadha, si nous n'avons pas confiance, les doutes vont se manifester dans notre esprit. Cette pratique est-elle la bonne? Est-elle correcte? Suis-je capable de suivre cette méthode? Tous ces doutes vont rendre le chemin très difficile. Si nous n'avions pas Pasadasadha, nous ne serions pas ici. C'est parce que ce type de confiance est déjà en nous que nous sommes venus pour participer à cette retraite. Mais cette Pasadasadha se perd facilement. Elle n'est pas assez forte pour nous mener à l'illumination avec certitude. Nous avons entendu parler de cette pratique. Nos amis nous en ont dit du bien et nous nous sommes dit que nous allions essayer. Nous sommes donc venus ici avec beaucoup de confiance. Nous sommes calmes, notre esprit est pur parce que nous avons cette forme de sadha de confiance. Mais si quelque chose devait se passer au cours de la retraite, que les conditions changent, cette sadha sera perdue. Désolé, Sayado, j'ai eu de mauvaises nouvelles, je dois partir. Ceci veut tout simplement dire que cette première forme de confiance n'est pas assez forte pour nous garantir l'atteinte de l'illumination. Tant que les conditions resteront positives, tout ira bien. Mais si les conditions devaient changer et devenir négatives, ce type de confiance est perdu. Lorsque donc on ne détient que ce premier niveau de confiance, la confiance Passada Sada, elle est insuffisante pour garantir le succès. Ce premier niveau de Sada, ce premier type de Sada, ne s'enracine pas dans l'expérience personnelle, elle ne s'enracine pas dans la compréhension par expérience directe. C'est une foi qui nous vient de la croyance en ce que les autres nous ont dit. Si nous avons confiance, notre esprit va devenir clair. Mais cette confiance qui ne s'enracine donc pas dans la sagesse est fragile. Le deuxième type de confiance, Okapanasadha, est plus forte que la première, car elle s'enracine dans la compréhension par expérience directe. Le méditant a expérimenté dans une certaine mesure les bénéfices de la pratique de Vipassana. Il a expérimenté et compris en quoi consiste la purification de l'esprit. Il a réalisé dans une certaine mesure la disparition de la souffrance. Il a développé dans une certaine mesure la sagesse. Et tout ceci a pour conséquence qu'il croit en cette pratique, tout simplement parce qu'il en a déjà goûté les bénéfices. Plus on pratique, plus on expérimente, plus on expérimente, plus on comprend, et la confiance se développe. La compréhension qui nous vient des lectures ou des enseignements, la compréhension intellectuelle, n'est pas très forte, elle est fragile. Mais un méditant qui va pratiquer pendant une dizaine de jours, 2 semaines, qui va pratiquer avec effort, cet effort sera qualifié de héroïque. Ce méditant va donc réussir à calmer son esprit. Il va réussir à contrôler l'esprit et le maintenir sur l'objet. Il verra alors les choses telles qu'elles sont réellement. Dès qu'il aura vu les choses telles qu'elles sont réellement, sa foi va devenir très forte parce qu'elle s'enracine dans l'expérience. Avec ce type de foi, de confiance, on pourra résister aux obstacles. Même si les conditions devaient changer, le méditant n'abandonnera pas sa pratique, car il a déjà expérimenté les bénéfices dans une certaine mesure. Et une fois qu'il les aura expérimentés, il ne pourra jamais les oublier. Il y a parfois des méditants qui font plusieurs retraites les unes après les autres, et leur confiance se développe de plus en plus. Ces méditants résistent aux difficultés. La pratique est devenue prioritaire pour eux. Ce type de sadda, de foi, peut mener à l'illumination. Cette deuxième sorte de sadda, Okapana Sadda, est beaucoup plus forte. Il est dit dans les Écritures qu'elle circule dans le sang. Ceci veut dire qu'elle va nous accompagner tout au long de notre vie, jusqu'à la mort. Une personne qui détient ce type de confiance, lorsqu'elle aura du temps, elle va rechercher la compagnie du Dhamma. En général, lorsqu'on a du temps, on recherche plutôt la compagnie des amis pour s'amuser. Mais celui qui détient cette sorte de sadda, qui a une forte confiance donc dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha, va consacrer tout son temps libre à la pratique. Il recherche l'ami interne, alors que les personnes ordinaires recherchent les amis externes. C'est donc cela, Okapana Sadda. Celui qui détient ce type de confiance est proche de l'illumination. Si cette personne qui détient donc le deuxième type de sadda, Okapana Sadda, continue sa pratique, il va atteindre l'illumination grâce à ce deuxième type de confiance. Elle est suffisamment forte pour le mener à la libération. Il va alors poursuivre sa pratique, étant devenu un être noble, et il va alors atteindre le troisième type de sadda, Adigama Sadda. C'est la foi que détient le Sotapanna, celui qui atteint le premier stade d'illumination, celui qui est appelé quelqu'un qui est entré dans le courant. C'est donc le premier stade d'illumination. À ce stade, la personne détient une foi inébranlable. Et cette foi inébranlable, il ne l'aura pas uniquement dans cette vie-ci, il va l'emmener avec lui tout au long de ses renaissances dans le samsara. Une telle personne est devenue incapable de faire des actions négatives. Il a une foi inébranlable dans la loi du karma et de ses effets. Il garde donc les préceptes purs. Si, par exemple, on disait à une telle personne que s'il ne tue pas tel ou tel être, on le tuera lui, il préférera qu'on le tue lui, parce qu'il a une foi inébranlable dans le karma et ses effets. Un acte négatif amène un effet négatif, un acte positif amène un effet positif. C'est pourquoi une telle personne noble ne peut plus reprendre naissance dans les mondes inférieurs. Les mondes inférieurs, c'est le monde des enfers, des animaux, des démons et des fantômes. Les portes des mondes inférieurs sont définitivement fermées pour le Sotapanna. Il y a beaucoup de souffrance qui va également disparaître. Ce Sotapanna va expérimenter la paix et se sentira heureux dans le samsara. Tout le karma négatif que nous avons accumulé précédemment sera annihilé lorsque nous aurons réalisé le premier stade d'éveil, le stade de Sotapanna. Je vous ai parlé hier des actions négatives qui sont comparées à une lourde pierre. Cette lourde pierre coule au fond de l'eau. Je vous ai parlé également des actions positives, du karma positif qui est comparé à une embarcation, un bateau. Si nous disposons d'une bonne embarcation, cette embarcation pourra supporter le poids de cette grosse pierre et nous serons ainsi amenés tout doucement à l'autre rive, autrement dit, à devenir des sotapanna. Tout à ce moment-là, lorsque nous aurons atteint le stade de sotapanna, tout le mauvais karma que nous avons accumulé précédemment sera annihilé. Tout ce mauvais karma, et il se deviendra également impossible pour nous de produire du karma très négatif, susceptible de provoquer une renaissance dans les mondes inférieurs. On peut dire que cette lourde pierre se trouve dorénavant dans l'embarcation. Elle ne coule plus. Notre vie sera devenue une vie noble. Tant que nous n'aurons pas atteint l'état d'arhat, autrement dit, tant que nous n'aurons pas atteint la purification totale des impuretés, le chemin sera très clair pour nous. Il est donc très important de s'efforcer d'atteindre ce premier stade d'illumination, parce que une fois qu'on l'a réalisé, on peut dire qu'on est sauvé. Nous ne produirons plus d'actes négatifs susceptibles de nous entraîner dans les mondes inférieurs. Et l'ancien karma négatif que nous avons produit dans le passé sera pris en charge par notre embarcation. De plus, nous ne reprendrons plus naissance dans le samsara que 7 fois au maximum. Après quoi, nous ne reprendrons plus naissance dans le monde d'expérience sensorielle. Nous reprendrons éventuellement naissance dans les plans de Brahma, où il n'y a ni homme ni femme. C'est un plan très paisible. Tous ces bénéfices, ces résultats, nous pourrons les obtenir par la pratique de Vipassana, c'est garanti. La quatrième sorte de sadda, c'est donc Agamana Sadda. Ce type de foi, ne nous concerne pas vraiment, c'est la foi du Bodhisattva. Le Bodhisattva, c'est la personne qui a fait le vœu de devenir un Bouddha. Il faudra donc que cette personne ait d'abord que son souhait, son vœu soit confirmé par la prophétie d'un autre Bouddha. Il faudra ensuite qu'il pratique pour le bénéfice des autres, par compassion, pas pour lui-même. Il ne reprendra jamais naissance sous une forme féminine. Et il faudra qu'il développe une très forte foi dans le Bouddha. La première sorte de confiance, Pasada, Sada, amène donc simplement le calme. C'est une foi qui ne s'enracine pas dans l'expérience personnelle. La deuxième sorte de foi, Okapana, Sada, s'enracine, elle, dans l'expérience directe, qui est acquise par la pratique de Vipassana. Le méditant a expérimenté certaines choses et sa foi devient vérifiée par l'expérience. La troisième forme de sadda, Adigama Sadda, c'est la foi inébranlable, celle que détient le Sotapanna, celui qui a atteint le premier stade d'éveil. Et la quatrième sorte de sadda, c'est donc Agamana Sadda, la foi du Bodhisattva. Si nous voulons atteindre l'illumination, nous devrons obligatoirement développer la deuxième forme de sadda, celle qu'on obtient, qui se développe par la pratique. C'est une foi qui s'enracine dans l'expérience personnelle. Une retraite d'une ou de 2 semaines permet simplement d'assimiler les instructions. Mais nous devrons poursuivre notre pratique si nous voulons aller plus loin. Il faudra pratiquer régulièrement. Il faudra donc pratiquer régulièrement Si après la retraite, vous abandonnez la pratique en vous disant que vous avez retrouvé votre liberté et que vous pouvez enfin retrouver votre vie ordinaire, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Vous devrez, au contraire, vous dire qu'il faut continuer à pratiquer régulièrement. Vous devrez vous remettre en mémoire les expériences que vous avez eues au cours de cette retraite et cela va vous encourager à fournir un effort. Vous allez accepter de pratiquer pour développer le calme et la paix. Vous devez faire de votre mieux pour continuer à pratiquer. Puissiez-vous tous développer la foi, la sadda, dans le Dhamma et vous libérer de la souffrance. So wish you all, may you all be able to maintain your faith and confidence in the Dhamma, the way of practice, and free from all suffering. So.